La chanson du mal-aimé de Alcohol par Guillaume Apollinaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. À Paul Leoto. Et je chantais cette romance en 1903 sans savoir que mon amour à la semblance du beau phénix. S'il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. Un jour de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. Nous semblions entre les maisons ondes ouvertes de la mer rouge. Lui, les Hébreux, moi, Pharaon. Que tombent ces vagues de briques si tu ne fusses pas bien-aimé? Je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse, son armée. Si tu n'es pas l'amour unique, au tournant d'une rue brûlant de tous les feux de ses façades, plaie du brouillard sanguinolent, où se lamentaient les façades, une femme lui ressemblant. C'était son regard d'inhumaine, la cicatrice à son cou nu, sortit Saoul d'une taverne au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même. Lorsqu'il fut de retour enfin dans sa patrie, le sage Ulysse, son vieux chien, de lui se souvint. Près d'un tapis de haute lisse, sa femme attendait qu'il revînt. L'époux royal de Sacontal, là de vaincre, se réjouit quand il la retrouva plus pâle d'attente et d'amour, yeux pâlis, caressant sa gazelle mâle. J'ai pensé à ces rois heureux lorsque le faux amour et celle dont je suis encore amoureux, heurtant leurs ombres infidèles, me rendirent si malheureux. Regret, sur quoi l'enfer se fonde, qu'un ciel d'oubli s'ouvre à mes vœux, pour son baiser les rois du monde seraient morts, les pauvres fameux, pour elles eussent vendu leur ombre. J'ai hiverné dans mon passé, revienne le soleil de Pâques pour chauffer un cœur plus glacé que les 40 de Sébaste. Moins que ma vie martyrisée. Mon bon navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Adieu, faux amour confondu avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière en Allemagne et que je ne reverrai plus. Voie lactée, ô sœur lumineuse des blonds ruisseaux de Chanaan et des corps blancs des amoureuses nageurs morts, suivrons-nous d'Ahan ton cours vers d'autres nébuleuses. Je me souviens d'une autre année, c'était l'aube d'un jour d'avril, j'ai chanté ma joie bien-aimée, chanté l'amour à voix virile au moment d'amour de l'année. Au bad, chanté à l'aïtaré l'an passé. C'est le printemps, viens-t'en, Paquette, te promener au bois joli. Les poules dans la cour coquettes, l'aube au ciel fait de roses plis, l'amour chemine à ta conquête. Mars et Vénus sont revenus, Ils s'embrassent à bouche folle devant des sites ingénus ou sous les roses qui feuillolent de beaux dieux roses dansent nus. Viens, ma tendresse est la régente de la floraison qui paraît. La nature est belle et touchante. Pense si flotte dans la forêt, les grenouilles humides chantent. Beaucoup de ces dieux ont péri. C'est sur eux qui pleurent les saules. Le grand Pan, l'amour, Jésus-Christ sont bien morts. Et les chats miaulent dans la cour. Je pleure à Paris. Moi qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murènes, la romance du mal-aimé et des chansons pour les sirènes. L'amour est mort, j'en suis tremblant. J'adore de belles idoles, les souvenirs lui ressemblant comme la femme de Mausole. Je reste fidèle et dolent. Je suis fidèle comme un dogue au maître le lierre au tronc. Et les cossacks zaporogues, ivrognes, pieux et larrons, aux steppes et aux décalogues. Portez comme un joug le croissant qu'interrogent les astrologues. Je suis le sultan tout-puissant. Ô mes cossacks zaporogues, votre seigneur éblouissant. Devenez mes sujets fidèles. Leur avait écrit le sultan, ils rirent à cette nouvelle et répondirent à l'instant à la lueur d'une chandelle. Réponse des cossacks zaporogues au sultan de Constantinople. Plus criminel que Barabbas, connus comme les mauvais anges, quel Belzébuth es-tu là-bas, nourri d'immondices et de fanges? Nous n'irons pas à tes sabbats. Poisson nourri de Salonique, longue collier de sommets affreux, dieux arrachés à coups de pique, ta mère fit un foireux et tu naquis de sa colique. Bourreau de podolyamon, des plaies, des ulcères, des croûtes, groin de cochon, cul de jument, tes richesses garde-les toutes pour payer tes médicaments. Voie lactée, aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Chanaan et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts, suivrons-nous d'Aon ton cours vers d'autres nébuleuses? Regret des yeux de la putain et belle comme une panthère. Amour, vos baisers florentins avaient une saveur amère qui a rebuté nos destins. Ces regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes, et nos baisers mordus sanglants faisaient pleurer nos fées marraines. Mais en vérité, je l'attends avec mon cœur, avec mon âme, et sur le pont des revient-temps, si jamais revient cette femme, je lui dirai, je suis content. Mon cœur et ma tête se vident, tout le ciel s'écoule par eux. Ô mes tonneaux des Danaïdes, comment faire pour être heureux, comme un petit enfant candide? Je ne veux jamais l'oublier, ma colombe, ma blanche rade, aux marguerites exfoliées, mon île au loin, ma désirade, ma rose, mon giroflier. Les satyres et les pyrostes, les égypans, les feux follets, et le destin donné ou fausse, la corde au cou que m'a calé sur ma douleur, quel holocauste! Douleur qui double les destins, la licorne et le capricorne, mon âme et mon corps incertain, te fuient au bûcher divin, corne des astres, des fleurs du matin. Malheur Dieu, pâle aux yeux d'ivoire, tes prêtres fous t'ont-ils paré tes victimes en robe noire? Ont-elles vainement pleuré, malheur Dieu, qu'il ne faut pas croire? Et toi qui me suis en rampant, Dieu de mes dieux morts en automne, tes mesures, combien d'empans j'ai droit que la terre me donne, ô mon ombre, ô mon vieux serpent! Au soleil, parce que tu l'aimes, je t'ai mené, souviens-t'en bien, ténébreuse épouse que j'aime, tu es à moi en n'étant rien. Ô mon ombre en deuil de moi-même, l'hiver est mort, tout enneigé, on a brûlé les ruches blanches dans les jardins et les vergers. Les oiseaux chantent sur les branches, le printemps clair, l'avril léger. Mort d'immortel, agir aspide, la neige au bouclier d'argent, fuit les dendrophores livides. Du printemps cher aux pauvres gens, qui ressourit les yeux humides. Moi, j'ai le cœur aussi gros qu'un cul de dame damascène. Ô mon amour, je t'aimais trop, et maintenant j'ai trop de peine. Les sept épées hors du fourreau, sept épées de mélancolie, sans morphile aux claires douleurs, sont dans mon cœur, et la folie veut résonner pour mon malheur. Comment voulez-vous que j'oublie? Les sept épées. La première est toute d'argent, et son nom tremblant, c'est Baline. Sa larme, un ciel d'hiver neigeant, son destin, sanglant gibeline, vulcain mouru en la forgeant. La seconde, nommée Nubos, est un bel arc-en-ciel joyeux. Les dieux s'en servent à leurs noces, elle a tué 30 Béryeux et fut douée par Carabos. La troisième, bleu féminin, n'en est pas moins un chibriape, appelé l'huile de Faltenin, et que porte sur une nappe l'Hermès Ernest devenu nain. La quatrième, Malouraine, est un fleuve vert et doré. C'est le soir quand les riveraines y baignent leurs corps adorés et des chants de rameurs s'y traînent. La cinquième, Sainte Fabo, c'est la plus belle des conouilles, c'est un cyprès sur un tombeau, où les quatre vents s'agenouillent, et chaque nuit c'est un flambeau. La sixième, métal de gloire, c'est l'ami aussi douce main, dont chaque matin nous sépare. Adieu voilà, votre chemin, les coques s'épuisaient en fanfare. Et la septième, s'exténue, une femme, une rose morte, merci que le dernier venu sur mon amour ferme la porte, je ne vous ai jamais connu. Voie lactée, aux sœurs lumineuses, des blancs ruisseaux de Chanaan et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivrons-nous d'Aon ton cours vers d'autres nébuleuses. Les démons du hasard, selon le chant du firmament, nous mènent à son perdu leur violon, font danser notre race humaine sur la descente à reculons. Destin, destins impénétrables, rois secoués par la folie et ses grelottantes étoiles, de fausses femmes dans vos lits, au désert que l'histoire accable. Louis-Paul, le vieux prince régent, tuteur de deux royautés folles, sanglote-t-il en y songeant, quand vacillent les lucioles mouches dorées de la Saint-Jean. Près d'un château sans châtelaine, la barque aux barcaroles chantant, sur un lac blanc et sous l'haleine des vents qui tremblent au printemps, voguait cygne mourant sirène. Un jour le roi dans l'eau d'argent se noya, puis la bouche ouverte, il s'en revint en surnageant, sur la rive dormir inerte, face tournée au ciel changeant. Juin, ton soleil ardent de lyre brûle mes doigts endoloris, triste et mélodieux délire, j'erre à travers mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir. Les dimanches s'y éternisent et les orgues de barbarie sanglotent dans les cours grises. Les fleurs au balcon de Paris penchent comme la tour de Pise. Soir de Paris, ivre du gin, flambant de l'électricité, les tramways feu vert sur les chines, musique au long des portées, de rails leur folie de machine. Les cafés gonflés de fumée crient tout l'amour de leurs tziganes, de tous leurs siphons enrhumés, de leurs garçons vêtus d'un pagne, vers toi, toi que j'ai tant aimé, moi qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murennes, la romance du mal-aimé et des chansons pour les sirènes. Fin. Enregistré par Malone.